à bientôt 40 ans. On fait du rap de vétéran. Big up à nos femmes et nos enfants. On fait du rap de vétéran. Dédicace à nos cheveux blancs. On fait du rap de vétéran. N'attends pas qu'on lâche l'affaire. On est du champ persévérant. Combattant dans mon battant. On fait du rap de vétéran. Si on n'est pas dans le mou, c'est que ça n'a pas l'air très marrant. Nous on ne rentre pas dans le mou. On rame à contre-courant. Ne nous cherche pas dans leur quai. On se la coule tous au dernier rang. J'étais sur forte tête, placé sur la corde raide. Un funambule borderline caché derrière une forteresse. Je ne savais pas que la musique me porterait, qu'elle comblerait mes jours et mes nuits à court de rêve. J'ai toujours vu le rap comme une manière de militer. Il est devenu débilité, a perdu son humanité. Pour des paroles sensées, la censure peut frapper fort. Mais quand le crime est encensé, chez les censeurs y'a plus personne. Les jeunes gens clipent comme des narvalos. Appelle nos vétérans because hip hop sont marvelous. On crape aux barbelés sans leurs bracelets. On brasse les dents sur les brasiers. Mais seigneur, que la rime est très embrasselée. On pousse le volume avec insistance. On rejette la médiocrité de leur arrogance. Entends les lettres de noblesse, de l'impertinence, on lâche rien. Les papilles font de la résistance. T'es suicidaire, je te conseille les instruments à cordes. Ce que j'ai cuisiné reste en travers de la gorge. Depuis des lustres, le fond a remplacé la forme. Ou est-ce l'inverse? A trop manier la rime, on a chopé de l'arthrose. Les vieux cons sont aigris et vont montrer les crocs. Il s'avère que tu verses du moët dans un verre. Mais sache qu'il n'y a que les poètes pour se réunir autour d'un verre. J'arrive dans la fleur de l'âge. Faut arroser ça, et ça tombe bien, j'ai pris de la bouteille. Riche de mes expériences, mais j'attends quand même impatiemment les jours de paix. Si j'ai peur de gagner, ben je suis sûr de perdre. Ouais, je suis sûr de perdre. 2015, RTV chez B6K pour un récital de fan. 2060, on se retrouve à l'hospice pour un festival de cas. Les jeunes gens clipent comme des narvalos. Appelle nos vétérans because hip hop sont marvelous. On crape aux barbelés sans leurs bracelets. On brasse les dents sur les brasiers. Mais seigneur, que la rime est très embrasselée. On pousse le volume avec insistance. On rejette la médiocrité de leur arrogance. Entends les lettres de noblesse, de l'impertinence, on lâche rien. Les papilles font de la résistance. La licogne au plexus, mentalité vise les titres. La vie s'enfile, je me dois de rester focus. Entre la naloka et ses mauvais penchants. Sur le fil, époque instable. Besoin de discernement, n'attends pas son de la reconnaissance. Envoie les punchlines, laisse le beat en convalescence. Faut équilibrer le karma, je cherche la voie comme Whittaker. Mode ghost, zéro selfie, zéro follower. Je reviens à l'ancienne et sûrement loin des grabataires. Toujours prêt pour un gros pas pour voir les jeunes MC par terre. Pour leur faire comprendre qu'il faut manger de la poussière. Voir que leur langue répande de la merde dans l'atmosphère. Car j'écoute et prête l'oreille, mais rien n'est sans pareil aux années 90, cette époque revendicatrice. Aujourd'hui ça part de biser, je manquerai pas dans ce qu'ils disent. Donc t'étonne pas qu'on s'unisse face à la bêtise qui divise. Je réclame mon cul, le mat pour les experts, pour l'élite, pour les maîtres. T'y retournes chez ta mère. Aujourd'hui la old school c'est nous. Hip hop, on a les meilleurs flows, les meilleurs thèmes, les meilleurs sons, les meilleurs tours. Mon mental c'est Bruce Willis dans un cassard. N'essaie pas d'analyser, fils, mon style est inclassable. Tellement d'autodérision qu'il est inclassable. J'écris en alexandrin depuis l'époque du bac à sable. Les jeunes gens clipent comme des narvalos. Appelle nos vétérans because hip hop sont marvelous. On crape aux barbelés sans leurs bracelets. On brasse les dents sur les brasiers. Mais seigneur, que la rime est très embrasselée. On pousse le volume avec insistance. On rejette la médiocrité de leur arrogance. Entends les lettres de noblesse, de l'impertinence, on lâche rien. Les papilles font de la résistance. Les imbéciles sont souvent ceux qui jugent. Souvent ceux qui jugent. Cette vieille école que je respecte. Ce qui me tue, c'est l'image que certains font du rap. Micro bien aiguisé comme l'épée d'un mouchoir. Je suis bien avec mes soldats de longue date. Ça n'est pas parce qu'on a plus 20 ans que ne pourra plus créer d'impact. Un cas, un T1 extrémiste qu'on te relate. A fond dans le fond, dans la forme et l'équipe des OP here. Là, des années passent, on a parfois l'impression de perdre pied. Le game est perverti comme toujours par la monnaie. Ceux qui font des hits ont perdu leur honneur, l'histoire tu la connais. De nos jours, mis sur le vocaleur, discours plus que tu le courais. Être frère, c'est le slogan de notre école. La prod sera giflée comme l'exige de protocole. Temporel et notre hip-hop préviens les sourdes oreilles. Sur les arrières du rap, y'a toutes mes phalanges qui veillent. Pour B6K, on opère en collectif. On sait si le mic a feu vif, la résistance est incisive. Ce beat s'auto-détruira dans une mesure de 4 ans. N'essaye même pas de compter car t'as pas le temps. Les jeunes gens cliquent comme des narvalos. Appelle-nous vétérans because hip-hop sont marvelous. On crape au barbelé sans l'embrasser. On brasse les dents sur les brassiers. Mais seigneur, que la rime est très embrassée. On pousse le volume avec insistance. On rejette la médiocrité de leur arrogance. Entend les lettres de noblesse, de l'impertinence. On lâche rien. Les papilles font de la résistance. Les jeunes gens cliquent comme des narvalos. Appelle-nous vétérans because hip-hop sont marvelous. On crape au barbelé sans l'embrasser. On brasse les dents sur les brassiers. Mais seigneur, que la rime est très embrassée. On pousse le volume avec insistance. On rejette la médiocrité de leur arrogance. Entend les lettres de noblesse, de l'impertinence. On lâche rien. Les papilles font de la résistance. M-O-2-S-A-H P-A-P-L-O M-Y-R WMAK, Mero Mike, Casa Braca, DJ DONX, Praxi, Mr. TY, Mr. GM, l'homme que l'on nomme B6K, les papis font la résistance, 2015, KDX Crew, 10 000 ans d'avance.